Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 80. Des facultés appétitives en général. Existence des facultés appétitives. Appétit sensitif et appétit rationnel. 1. Y a-t-il dans l'âme des facultés appétitives? L'âme humaine ne ressemble pas aux êtres privés d'intelligence qui n'ont qu'un simple appétit naturel correspondant à leur nature. L'affinité ou l'attraction dans les corps, l'instinct dans les animaux. Elle reçoit les impressions et les idées intelligibles de toutes les choses, les impressions par les sens, les idées par l'intelligence. Et comme elle peut désirer ce qu'elle perçoit, il est nécessaire d'admettre qu'elle possède une puissance appétitive bien supérieure à celle qui existe communément dans tous les êtres de la nature. L'existence des facultés appétitives est, ainsi qu'on le voit, une conséquence de la perception propre aux êtres raisonnables. L'intelligence perçoit les choses comme sensibles ou intelligibles, et l'appétit nous porte ensuite à les désirer à raison de leur convenance ou de leur bonté par rapport à nous. 2. L'appétit sensitif et l'appétit rationnel sont-ils des facultés diverses? L'appétit rationnel, la volonté, est assurément une faculté autre que l'appétit sensitif. Le philosophe le concevait bien quand il disait « L'appétit supérieur me l'appétit inférieur. Toute faculté appétitive, il est vrai, est une faculté passive qui a son moteur dans les objets perçus, et tout appétit peut être appelé pour cette raison un moteur mu, suivant l'expression du Stagirite. Mais il n'en est pas moins vrai que les objets perçus par l'intelligence diffèrent, pour le genre, de ceux qui affectent les sens. Cela suffit pour que l'appétit rationnel et l'appétit sensitif appartiennent à des facultés différentes. Note. Par l'appétit intellectif, nous pouvons désirer les biens immatériels, par l'appétit sensitif, nous désirons les biens sensibles, ce dernier prend le nom de sensualité et parfois de sensibilité. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.